إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons la lecture des hadiths mentionnés par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le premier chapitre de son livre « Les jardins des vertueux » et qui concerne la sincérité et l'intention. Nous en sommes aujourd'hui au sixième hadith et il a dit « وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم. D'après Abu Ishaq, Sa'd ibn Abi Waqqas. Puis il nous mentionna sa lignée, qu'Allah l'agré, et nous dit qu'il fait partie des 10 promis au paradis. Il a donc dit, رضي الله عنه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est venu me rendre visite l'année du pèlerinage d'adieu alors que je souffrais d'une maladie. فقلت, je lui alors dis, يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. Ô messager d'Allah, la maladie m'a certes mis dans l'état dans lequel tu me vois. Wa ana dhu mal, et je possède des richesses. Wa la yarithuni illa ibnatun li, et je n'ai pour héritier qu'une seule fille. Afa atasaddaqu bi thuluthay mali, puis-je faire l'aumône des deux tiers de mes biens? Qala la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que non. Qultu fa shatru ya rasulallah. Il lui dit alors la moitié au messager d'Allah. Faqala la. Il lui répondit que non. Qultu fathuluthu ya rasulallah. Il lui dit alors du tiers au messager d'Allah. Qal athuluth wa thuluthu kathir au kabir. Il lui répondit, donne le tiers. Et le tiers est beaucoup ou abondant. Innaka antadhara warathataka arniya khayrun min antadharahum. Le fait que tu laisses tes héritiers riches est meilleur que tu les laisses dans le besoin à devoir solliciter les gens en tendant la main. Tu ne fais aucune dépense par laquelle tu recherches le visage d'Allah sans être récompensé pour celle-ci, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Qala faqultu, ya Rasulallah, ukhallafu ba'd ashabi. Il lui dit alors, ô messager d'Allah, vais-je rester à la Mecque après le départ de mes compagnons? Qala innaka lan tukhallaf, fata'amala amalan, tabtari bihi wajhallah. Si tu accomplis des œuvres par lesquelles tu recherches le visage d'Allah, tu ne resteras pas ici sans t'élever et monter en degrés. Il se peut que tu restes en vie et que ceci profite à certaines personnes et nuise à d'autres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua et dit « Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. » Ô Allah, fais perdurer pour mes compagnons leur émigration et ne les fais pas revenir sur leur part. « Lakin il ba'is Sa'd ibn Khawlah. » Mais le malheureux est Sa'd ibn Khawlah. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم déplorer que ce dernier soit mort à Mecca. Muttafaqun alayh. Ce hadith est reconnu authentique à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Comme vous le voyez, ce hadith est un hadith immense. Et ce hadith est très riche en bénéfices. Mais dans cette courte assise, nous ne pourrons pas tous les mentionner, et nous allons essayer de résumer certains d'entre eux, inshallah ta'ala. Tout d'abord, il faut bien comprendre le contexte. Cet événement, il s'est produit à la Mecque. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, faisait partie des muhajirines, des compagnons qui ont émigré de la Mecque à Médine, qui ont donc délaissé la Mecque pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ce avant qu'elle ne devienne une terre d'islam. Et Sa'd est tombé malade à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors venu le visiter. Et ceci faisait partie des habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de visiter les malades parmi ses compagnons. Il fait donc partie de la sunna de visiter les malades. Et ceci est une bonne action qui comprend de nombreux bénéfices, aussi bien pour le visiteur que pour le malade qui est visité. En effet, en visitant ton frère malade, tu vas déjà t'acquitter de son droit et de ton devoir envers lui. Car il fait partie des droits du musulman de le visiter lorsqu'il est malade. Et cette visite, elle permet de renforcer les liens entre les musulmans, de faire naître entre eux l'amour et l'amitié. Également, cela permettra de le rassurer, de le soulager, de lui accorder un moment de détente, un moment de répit durant lequel il oubliera peut-être sa douleur et sa maladie. Et cela permettra également d'invoquer en sa faveur, de lui dire de belles paroles, de lui rappeler le repentir, et ainsi de suite, parmi les nombreux bénéfices que comprend la visite du malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc visité, et Sa'd radiyallahu anhu profita de cette occasion pour demander conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ses richesses dont il voulait donner une partie en aumône. Car à ce moment, Sa'd n'avait pour héritier qu'une seule fille. Il eut donc l'intention de donner une partie de ses richesses car elles étaient abondantes. Il demanda donc pour donner les deux tiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui interdit cela. Puis il demanda pour donner la moitié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui interdire à nouveau cela. Et ce car Sa'd était malade, d'une maladie lui faisant craindre la mort. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de donner plus que le tiers. Car celui qui se trouve dans cette situation, celui qui est malade au point de craindre la mort, il n'a pas le droit de donner plus du tiers de ses biens en aumône. Car ses richesses, même si elles lui appartiennent, elles sont sur le point de quitter sa propriété. Il ne peut donc pas les dépenser comme il le souhaite. Ses biens sont sur le point de devenir la propriété de ses héritiers. Donc s'il donne tous ses biens, il va en réalité nuire à ses héritiers. C'est pour cela que c'est interdit. Quant à celui qui est en bonne santé, celui qui ne craint pas la mort, il lui est permis de donner plus du tiers de ses richesses en aumône. Il n'y a pas de gêne en cela. Mais celui qui craint la mort, celui qui pense qu'il va bientôt mourir, il n'a pas le droit de donner plus du tiers. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui demanda pour donner le tiers, il lui dit « donne le tiers ». Et le tiers est déjà beaucoup. Ceci prouve qu'il est permis de donner le tiers, mais qu'il est en réalité préférable de donner moins que cela. C'est d'ailleurs pour cela qu'on rapporte de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'il conseillait de ne donner que le quart. Et il expliquait cela en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait clairement dit que le tiers est beaucoup. Et les savants ont même dit qu'il était préférable de ne pas léguer plus du cinquième. Car c'est cela qu'a fait Abu Bakr, radiyallahu anhu. Donc ceci est valable pour le malade qui craint la mort, et aussi pour la personne qui veut léguer des biens après sa mort. Laisser un testament pour dire, par exemple, donner tant de mon argent pour telle nécessite, pour telle cause, et ainsi de suite. Il ne lui est pas permis de léguer plus du tiers. Et le mieux est de ne léguer que le quart ou le cinquième. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le tiers est déjà beaucoup. Et ceci concerne, bien sûr, celui qui possède de nombreuses richesses. Quant à celui qui ne possède pas beaucoup d'argent, qui n'a pas grand-chose à laisser à ses héritiers, alors lui, il est conseillé de laisser l'ensemble de ses biens à ses héritiers. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dit « Le fait que tu laisses tes héritiers riches est meilleur que tu les laisses dans le besoin à devoir solliciter les gens en tendant la main. » Donc celui qui meurt, s'il laisse l'argent qu'il possède à ses héritiers sans ne rien en donner en aumône. Ceci est sans doute meilleur que de les laisser pauvres et dans le besoin, car ils risqueraient de devoir solliciter les gens. Donc ceci est une preuve que laisser de l'argent pour ses héritiers est un bien pour la personne, et que la personne est rétribuée en bien pour cela, car ses héritiers vont profiter de ses richesses, profiter de son argent, et ses héritiers sont les gens qui lui sont les plus proches. Il est donc préférable que ce soit ses proches qui profitent de ses richesses plutôt que des gens lointains à qui il ferait l'aumône. Car, comme on l'a vu hier, l'aumône faite à un proche est meilleure que celle faite à une personne lointaine. Car l'aumône faite à un proche est une aumône et un maintien des liens de parenté. Il y a donc une double récompense en cela. Et ça, c'est important à comprendre. Car il y a des personnes, parfois, qui ne veulent pas laisser leur argent pour leurs héritiers. Mais certaines personnes, lorsqu'ils s'apprêtent à mourir ou lorsqu'ils commencent à prendre de l'âge, ils dépensent tout leur argent. Ils vont faire des aumônes, dépenser leur argent peut-être dans des œuvres de bien, en pensant que ceci est meilleur que de laisser leur richesse à leurs héritiers. Alors qu'en réalité, il est fort probable que laisser leur richesse à leurs héritiers soit plus profitable en réalité. Car ces héritiers en auront besoin et ils vont en profiter. Et ce sont les gens qui lui sont les plus proches. Ils sont donc plus en droit de profiter de cet argent et de ces richesses. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Saad, tu ne fais aucune dépense par laquelle tu recherches le visage d'Allah sans être récompensé pour celle-ci. Même ce que tu mets dans la bouche de ta femme, toute dépense que tu fais en étant sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu es récompensé pour celle-ci. Même une simple bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse, tu es récompensé pour cela. Lorsque tu fais des courses, que tu achètes de la nourriture, que tu achètes de la boisson, si tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé pour cela. Lorsque tu achètes des vêtements à ton épouse, lorsque tu achètes des vêtements à tes enfants, lorsque tu achètes du mobilier pour la maison, et ainsi de suite. Si tu es sincère et que tu fais cela pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu as une bonne intention, alors tu es récompensé pour cela. Tu ne fais aucune dépense par laquelle tu recherches le visage d'Allah sans être récompensé pour celle-ci, aussi moindre soit-elle. Et c'est pour cette phrase que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Car ce hadith nous prouve l'importance de l'intention, l'importance de ne rechercher à travers nos œuvres que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi on dit de ne rechercher que le visage d'Allah? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu recherches à travers cette œuvre à atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'entrer au paradis. Car les gens du paradis, il fait partie des plus grands bienfaits dont ils vont jouir de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'on dit que tu recherches le visage d'Allah. Tu cherches à faire partie des gens du paradis qui pourront jouir de ce bienfait immense qui est de voir Allah subhanahu wa ta'ala Seigneur de l'univers. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous parmi les gens du paradis. Donc lorsque tu fais des dépenses, lorsque tu achètes des choses pour ta maison, pour ta famille, pour tes parents, pour tes frères et sœurs, pour ton épouse, pour tes enfants, et ainsi de suite, si tu as une bonne intention, que tu fais cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu es récompensé. Ne sois donc pas lassé de dépenser tes biens pour le bien-être de ton épouse, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs. Et ne te plains pas de ces dépenses. Il y a certaines personnes qui se plaignent. Lorsqu'ils font les courses, ils se plaignent. Lorsqu'ils payent son loyer, ils se plaignent. Lorsqu'ils achètent quelque chose pour sa maison, ils se plaignent. Lorsque sa femme ou ses enfants ont besoin de quelque chose, ils se plaignent. Et ceci est un mauvais comportement. D'autant plus qu'en agissant de cette manière, tu te prives d'énormes récompenses. Mais plutôt la bonne intention. L'intention de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'élèveras ainsi en degré auprès d'Allah, bi'idhnillahi ta'ala. Aussi minime soit cette dépense, même une simple bouchée de nourriture, même un bonbon que tu achètes pour ton enfant, la moindre chose que tu achètes, si tu as une bonne intention, tu es récompensé et tu es sur le bien, inshallah ta'ala. Et on voit ici que Sa'd radiallahu anhu a demandé conseil au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant de passer à l'action. Et ça, c'est très important. Car la science passe avant la parole et les actes. Et ceci, c'est une chose qui échappe à beaucoup de gens aujourd'hui. Il est important de revenir aux gens de science et ce afin d'œuvrer de la meilleure manière. Il se peut qu'à tes yeux, une œuvre paraisse être une œuvre de bien, mais que celle-ci ne le soit pas forcément. Médite ici sur la situation de Saad, radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire une aumône. Une aumône, c'est une œuvre de bien ou une œuvre de mal? L'aumône, c'est une œuvre de bien. Beaucoup de personnes ne se poseraient même pas la question de savoir si cela est permis ou non. Et si on leur interdit, il se peut qu'ils disent « M'interdirais-tu de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'aumône ?» Alors qu'en réalité, cet acte est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui a interdit et lui a expliqué pourquoi. Et il l'a orienté vers ce qu'il y a de meilleur. Donc tu vois à travers cela l'importance de toujours demander conseil avant d'agir. De revenir aux gens de science. Il se peut qu'il y ait une chose qui t'échappe. Que pour toi, cela paraisse être un bien, mais qu'en réalité c'est un mal. Ou qu'il y a en réalité en cela un interdit. Ou une opposition à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors tout simplement que tu puisses faire une action encore meilleure que celle-ci. Donc il est très important de demander conseil avant d'agir et de revenir aux personnes de science et de confiance qui seront loyales envers toi, qui vont te donner le bon conseil. Et sache que celui qui te conseille, s'il est loyal envers toi, alors il ne va pas forcément t'orienter vers ce que tu désires. Il se peut qu'il s'oppose à tes choix, qu'il t'oriente vers une chose qui est contraire à ce que tu désires. Et ceci fait partie de la loyauté, de t'orienter vers ce qui est profitable pour toi même si cela ne te plaît pas ou même si cela s'oppose à ce que tu souhaitais accomplir. Et c'est ainsi qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saad voulait donner les deux tiers de ses richesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit. Il lui a interdit de donner la moitié et il l'a autorisé à donner le tiers et lui a dit que c'était beaucoup. Puis lui a expliqué, l'a orienté vers ce qu'il y a de meilleur. Donc voyez ici l'importance, mes frères, de toujours demander conseil avant d'entreprendre une action, afin d'être orienté vers ce qu'il y a de meilleur pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, après avoir demandé ce conseil, Sa'd radiallahu anhu fit part au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une de ses craintes. Il lui a dit, « Ô messager d'Allah, vais-je rester à la Mecque après le départ de mes compagnons? C'est-à-dire, est-ce que je vais mourir à Mecca? Il craignait que les compagnons qui étaient venus pour le pèlerinage retournent à Médine et que lui reste à la Mecque en raison de sa maladie jusqu'à mourir là-bas. Il craignait donc de mourir à Mecca. Et vous connaissez tous le rang de Mecca. Vous savez tous que Mecca est le meilleur endroit sur terre. La terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La terre où se trouve la Kaaba, la terre du pèlerinage. Mais Sa'd radiallahu anhu, il craignait de mourir là-bas. Pourquoi? Car c'est une terre qu'il a quittée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il avait émigré de Mecca pour se rendre à Médine, avant que Mecca ne devienne une terre d'islam. Il a donc délaissé Mecca pour Allah et ne voulait pas mourir dans une terre qu'il avait délaissée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, « Si tu accomplis des œuvres par lesquelles tu recherches le visage d'Allah, des œuvres sincères, tu ne resteras pas ici sans t'élever et monter en degré. » C'est-à-dire à supposer que tu ne puisses pas partir et que tu sois contraint de rester à Mecca en raison de ta maladie. Mais que tu fais des œuvres qui plaisent à Allah, que tu es sincère pour Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever davantage en raison de ces œuvres. Et tu seras récompensé et élevé au paradis. Même si tu accomplis ces œuvres à Mecca, qui est la terre de laquelle tu as émigré. Car tu n'y es resté qu'en raison de la maladie. Ce n'est pas un choix qu'il a fait, mais il était contraint de rester. Ensuite, il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Et il se peut que tu restes en vie, et que ceci profite à certaines personnes et nuise à d'autres. Il se peut que tu restes en vie, que tu ne meurs pas, que tu guérisses de cette maladie. » Et c'est cela qui s'est produit. Sa'd radiallahu anhu a été guéri, et il vécut longtemps après cette maladie. À tel point que les gens de science ont dit que lorsqu'il est mort, il avait 17 fils et 12 filles. Alors que dans ce récit, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a qu'une seule fille. Il vécut tellement longtemps après cela qu'il eut de nombreux enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit ici, il se peut que tu restes en vie et que ceci profite à certaines personnes et nuise à d'autres. Qu'est-ce que cela signifie? Que durant ton vivant, durant le reste de ta vie, tu vas être profitable pour certaines personnes et tu vas nuire à d'autres. Et cela également s'est produit. En effet, Sa'd radiallahu anhu a participé à de nombreuses conquêtes. Il a donc été profitable et utile pour les croyants, pour les musulmans, et nuisible pour d'autres qui sont les mécréants. Et ceci fait partie des signes de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il a annoncé une chose ici qui s'est produite comme il l'a annoncé. Il dit à Saad qu'il se peut qu'il reste en vie jusqu'à profiter à des gens et nuire à d'autres. Et Saad radiallahu anhu est resté vivant et a profité aux croyants et a nui aux mécréants. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation et il a dit « Ô Allah, fais perdurer pour mes compagnons leur émigration. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah en ces termes afin qu'il raffermisse ses compagnons sur leur hijra, sur leur émigration. Et cette invocation revient à demander à les raffermir sur la foi. Car si l'homme est ferme sur sa foi, il sera ferme dans sa hijra. Ça, c'est très important. Beaucoup de personnes pensent que les causes de stabilité dans la hijra sont limitées aux causes matérielles. Il faut une maison, un appartement, un travail ou un commerce ou autre chose semblable. Et ils pensent que sans cela, il ne pourra pas rester vivre en terre d'islam. Ils ne voient pas plus loin que les causes matérielles. Et bien souvent, ces personnes-là, qui s'en remettent aux causes, finissent malheureusement par faire preuve de faiblesse, jusqu'à même délaisser la hijra et revenir sur leurs pas en quittant la terre d'islam pour une terre de mécréance ou l'iyadu billah. Et ce car ils ont omis que la plus grande cause pour être ferme dans sa hijra et pour trouver la stabilité, c'est d'être stable sur sa foi, d'avoir une foi forte, d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir le cœur lié à son Seigneur, de placer sa confiance en lui subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبَدًا. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Celui qui a la foi ferme, il croit avec certitude en ces versets. Il sait parfaitement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis main refuge et abondance. Il fait donc les causes mais ne s'en remet pas aux causes. Et il place sa confiance uniquement en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il fait les causes matérielles pour subvenir à ses besoins. Mais avant cela, il fait les causes spirituelles pour maintenir la fermeté de sa foi. Car c'est cela la clé de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Maintenir la fermeté de ta foi. Et ceci échappe, comme on a dit malheureusement, à beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles font hijra, lorsqu'elles quittent la terre de mécréance pour la terre d'islam, pensent avoir atteint le paradis, oubliant que le vrai muhajir, c'est celui qui délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il ne suffit pas de quitter une terre pour une autre terre, mais il faut également que tu cherches à t'améliorer, que tu cherches à raffermir ta foi, que tu cherches à évoluer dans ta religion, que tu apprennes ta religion, et que tu veilles à mettre en pratique ce que tu apprends de ta religion. Ainsi ta foi sera ferme, incha'Allah ta'ala, et tu seras ferme sur ta hijra. Mais si tu quittes la terre de mécréance pour venir vivre en terre d'islam, en ramenant avec toi tous les méfaits et tous les péchés que tu commettais en terre de mécréance, sans ne rien changer de ton comportement, sans ne rien changer de tes habitudes, en continuant de vivre à la manière des mécréants et des polythéistes, en ramenant avec toi toutes les choses mauvaises provenant des terres de polythéisme, comment veux-tu rester ferme? Comment veux-tu rester ferme de cette manière? Donc la hijra, barakallahu fikum, ce n'est pas un simple déménagement. Ça, c'est important à comprendre. Et lorsque tu as fait la hijra, ne pense pas que tu as atteint le summum. Tu as encore de la route à faire. Et le chemin est long. Et tu ne sais pas si tu vas atteindre ta destination. Donc tu dois faire des efforts pour rester ferme sur ce chemin. Et pour cela, tu dois faire des efforts pour raffermir ta foi, barakallahu fik. Multiplier les œuvres de bien, faire des efforts pour délaisser les péchés, faire des efforts pour délaisser toutes les choses mauvaises desquels tu as été imprégné durant toutes ces longues années où tu as vécu en terre de mécréance. Tu dois chercher à te purifier de cela, nettoyer ton cœur, et tu ne pourras atteindre cet objectif que par l'apprentissage de la science religieuse et la mise en pratique de cette science. La mise en pratique, n'oubliez pas, la finalité ce n'est pas seulement d'apprendre, mais la finalité c'est de mettre en pratique pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, « Ô Allah, fais perdurer pour mes compagnons leur émigration. » C'est-à-dire, « Ô Allah, raffermis mes compagnons sur leur foi, afin qu'ils restent fermes sur leur hijra. » Et la deuxième chose qui est comprise par cette invocation, fait perdurer, pour mes compagnons, leur émigration, c'est-à-dire fait en sorte qu'aucun parmi eux ne retourne à Mecca après l'avoir quitté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on a dit, celui qui quitte un pays pour Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas revenir dans ce pays. De la même manière que lorsque tu fais une aumône, tu ne peux pas revenir sur ton aumône. Tu donnes une somme d'argent en aumône à un nécessiteux. Tu ne peux pas revenir sur cette aumône. Tu ne peux pas lui dire, rends-moi cet argent. Donc ce pays, il est comme cet argent. Tu l'as délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas retourner vivre dans ce pays. Tu ne peux pas y retourner. Car tu l'as délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit à travers cela l'erreur de nombre de personnes, de nombreux de nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide ainsi qu'eux, qui se complaisent après avoir émigré ou déménagé en terre d'islam, à passer des mois, et bien plus encore en terre de mécréance. Tu as quitté cette terre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu te complaire à y retourner? Comment peux-tu te complaire à y passer des semaines, des mois, voire même des années, wal'iyadu billah? Tout ça bien souvent pour des biens vils de ce bas monde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer à tous nos situations et de nous guider vers ce qu'il y a de meilleur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, « Oh Allah, fais perdurer pour mes compagnons leur émigration. » Et ne les fais pas revenir sur leur part. C'est-à-dire, ne les fais pas délaisser la foi. Préserve-les de l'apostasie. Car la mécréance et l'apostasie, c'est un retour en arrière. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait cette invocation, il a dit, mais le malheureux est Sa'd ibn Khawla. Sa'd ibn Khawla, radiyallahu anhu, il faisait partie des muhajirin, de ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, mais à qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de mourir à Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déplorait donc que ce dernier soit mort à Mecca, c'est-à-dire qu'il était triste. Il était pris de douleur que son compagnon soit mort sur cette terre qu'il avait délaissée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que la Mecque est, comme on l'a dit, la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les compagnons, radiyallahu anhum, réprouvaient que le muhajir meure sur la terre de laquelle il a émigré. Et c'est pour cela, comme on a dit, que celui qui a fait hijra, il doit avoir dans son cœur cette répulsion. Et il doit avoir dans son cœur cette crainte. Et ne pas être à l'aise lorsqu'il voyage vers les terres de mécréance, au point d'y rester des mois, dans l'insouciance. Et certains même pensent que sous prétexte qu'ils ont fait la hijra, qu'ils auront forcément la récompense de la hijra, même s'ils meurent là-bas. Mais tu dois prendre garde, car nul parmi nous ne peut affirmer être sincère dans sa hijra. On doit toujours se remettre en question. On doit toujours chercher à purifier nos intentions, purifier nos cœurs. Et celui qui est à l'aise et se rend, des semaines, des mois ou plus encore, en terre de mécréance, qu'il est censé avoir délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il doit se remettre en question et s'interroger au sujet de son intention. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, ainsi que vous, et de nous faciliter à tous l'émigration, la hijra, en terre d'islam, et de nous raffermir sur cela. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith, et comme je l'ai dit, les bénéfices sont encore bien plus nombreux, mais on va se contenter de cela, incha'Allah ta'ala, tout en soulignant le bénéfice qui est lié à ce chapitre et qui concerne la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toute œuvre que tu fais sincèrement pour Allah, en ne recherchant à travers celle-ci que son noble visage, subhanahu wa ta'ala, alors tu es récompensé pour celle-ci. Même l'ensemble de tes dépenses que tu fais pour ta famille, pour tes proches, pour tes enfants et ainsi de suite, si tu es sincère en cela, alors tu t'élèveras en degré auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.